إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication du livre Ad-Durar al-Dhahabiyya fi Usuli wa Minhaj al-Da'wa al-Salafiyya. Donc, dans les fondements de la Da'wa al-Salafiyya, on est arrivé dans le premier point, dans le premier chapitre, on est arrivé au point numéro 14. Et dans ce point-là, le Cheikh Hassan al-Iraqi, il explique un des principes ou un des éléments qui distinguent ou qui caractérisent ce manhaj. Et il explique la question de la divergence. Et ça, c'est un point important, puisque il faut comprendre qu'il y a différentes sortes de divergences. Hein, et que c'est pas toutes les divergences qui sont rejetées, et c'est pas toutes les divergences qui sont approuvées ou acceptées. Donc, il y a des divergences qui sont acceptables, et il y a des divergences qui ne sont pas acceptables. Et c'est ça qu'on a expliqué à la fin du cours la dernière fois, hein, la semaine passée. Et je vous ai écrit sur le tableau ici les deux catégories de divergences, comme le Cheikh les a mentionnées. Ikhtilaf al-tanawwu' ou ikhtilaf al-tadad. Ikhtilaf al-tanawwu', on avait expliqué que c'était une divergence dans la variation, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il a fait ou il a dit des choses de différentes manières à différents moments, et toutes ces différentes façons-là, on peut les faire ou on peut les dire. Dans ce cas-là, c'est ikhtilaf al-tanawwu'. Ça n'implique pas une contradiction, comme on a donné l'exemple des différentes qira'at dans le Coran, les différentes récitations. Ou bien, on a expliqué, comme j'ai rajouté des exemples à ce que le Cheikh avait donné comme exemple, par exemple, les différentes formes de salat, dua al-istiftah. Quand tu commences la salat, il y a plusieurs dua que tu peux faire avant de réciter al-fatiha. Après avoir fait le takbiratul ihram, tu peux réciter plusieurs formes de dua comme istiftah. Les différents tashahud, les différentes formes de tashahud qui sont mentionnées de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu en choisis une de ces formes-là, yani, tu peux la faire, et des fois même tu peux changer de formule, tu n'es pas obligé toujours de faire le même. Et si tu vois quelqu'un qui fait un dua différent que ton dua, hein, tant que ça vient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'y a pas de problème. Et ça, c'est pas une divergence qui cause de la division ou des problèmes entre les musulmans. C'est des divergences dues à une variation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il y a une autre catégorie de divergence qui est ikhtilaf al-tadad. Ikhtilaf al-tadad, c'est lorsque deux positions, dans des questions d'application ou des questions qui ont rapport avec la connaissance, soit la aqida ou autre, sont en opposition l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est deux positions qui s'opposent et qui se contredisent. Dans ce cas-là, comme les ulama l'ont expliqué, la majorité des ulama, ils disent que dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir qu'une seule position qui est correcte et les autres sont fausses. Puisque quelque chose ne peut pas être haram et halal en même temps. Quelque chose ne peut pas être tahir et najis en même temps. Hein? Donc, dans des situations pareilles, il faut retourner au dalil et trancher dans la divergence pour voir quelle des positions est plus proche de la vérité. Hein? Et ça, c'est dans des questions où il y a souvent des divergences dues à une différence de compréhension des textes entre les ulama. Donc, ils vont avoir recours à l'ijtihad et ils vont essayer de trouver la position qui est plus proche de la vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Donc, si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc, ça c'est l'attitude que les ulama ont toujours adoptée face aux divergences lorsqu'il y a des contradictions ou des divergences d'opinion qui s'opposent. Et un point qu'on avait mentionné également au dernier cours, c'est que si ce sont des divergences qui ont rapport avec les fondements de l'aqidah, les fondements de la croyance islamique, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas permis aux musulmans de diverger. Ou bien si c'est des questions sur lesquelles il y a une ijma, il y a des consensus des salafs au sujet de ces questions-là. Alors personne ne peut venir après l'ijma puis diverger ou ramener une autre position qui n'existait pas auparavant. Hein? Sinon ça représente une contradiction de l'ijma. Ou bien également des fois c'est des questions sur lesquelles il y a des textes clairs et explicites. Donc, on n'a pas le droit de contredire les textes dans ces questions-là. Hein? Si c'est des textes qui sont clairs et explicites, et que quelqu'un vient et contredit ces textes clairs et explicites, alors dans ce cas-là, bien entendu, cette personne, si elle ramène une divergence dans ces questions-là, ce ne sera pas une divergence qui va être prise en considération. Hein? Et donc, c'est pour cette raison-là que les gens qui viennent, par exemple, avec des erreurs et des contradictions dans les fondements de la aqidah et dans le manhaj, on dit que ça, ce sont des divergences qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas excusables. Hein? Et ça vient contredire et réfuter la règle qui est utilisée par les ikhwan, parfois, qui est la règle d'or, comme ils l'appellent. Et cette règle qui avait été inspirée des idées de Mohamed Abdo, et Mohamed Rachid Reda, il l'utilisait souvent, qui dit qu'on doit travailler ensemble sur les choses dans lesquelles on est d'accord, puis qu'on doit s'excuser les uns les autres sur les choses dans lesquelles on diverge. Et ça ramène à la fin à vouloir dire qu'on doit accepter les divergences des gens, même si ces divergences-là sont dans les fondements de la croyance islamique et dans les bases du manhaj islamique et dans les fondements de la sunna. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est en opposition avec le Coran et en opposition avec la sunna et en opposition avec l'exemple et la compréhension des salafs salih. Puisque on peut s'encourager dans le bien et travailler ensemble dans le bien, ça, il n'y a pas de doute. Mais lorsque c'est la question de s'excuser sur le faux, et s'excuser dans l'égarement, là on ne peut pas s'excuser dans des cas comme ça. Et c'est comme par exemple, on voit l'exemple par exemple de ceux qui ont divergé dans l'aqidah, à l'époque des salafs salih, les salafs ne les ont pas excusés, comme les khawarij. Ils les ont combattus, Ali radiallahu anhu les a combattus. Et les gens qui ont nié al-qadar à l'époque, lorsque les premiers des qadariyas sont arrivés, Abdullah ibn Omar a dit, dites-leur que je me désavoue d'eux. Et il leur a dit, il a dit aux tabi'in qui étaient venus poser la question au sujet des qadariyas, ceux qui nient la prédestination, il leur a dit, Allah ne va pas accepter, s'il dépensait en sadaqa la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud, Allah n'accepterait pas rien de ce qu'ils ont donné, jusqu'à ce qu'ils acceptent le qadar. Donc c'est en voulant dire que ces gens-là ne sont pas des musulmans tant qu'ils n'ont pas accepté et qu'ils n'ont pas cru en al-qadar. Donc Abdullah ibn Omar ne les a pas excusés dans ce cas-là. Et la même chose pour Ibn Abbas lorsqu'il a entendu parler des qadariyas. Et Abdullah ibn Abbas, il a également lui aussi débattu avec les khawarij. Hein? Et la même chose pour les shi'a rafida. Les sahaba ne les ont pas excusés. Hein? Et yani, ils ont réfuté leur shubuhat. Et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il a fait brûler vivant ceux qui à son époque avaient exagéré à son sujet et qui disaient qu'il était Dieu. Lorsqu'il a entendu ça, il a fait creuser une fosse, il a fait mettre du bois dedans et puis il les a allumés. Il les a jetés vivants dans le feu. Hein? Donc ça c'est pour dire que ils ne les ont pas excusés dans ce genre de déviation et dans ce genre d'égarement. Et la même chose pour les autres groupes d'égarements et de bid'ah, hein, comme les Jahmiyyah. Hein. Les Jahmiyyah, ils ont été déclarés comme étant des koufars par tous les imams d'Ahl-Sunnah. Hein. Et l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre An-Nuniyah, il dit que plus de 500 parmi les ulama d'Ahl-Sunnah ont déclaré les Jahmiyyah comme étant des koufars. Hein. Et là, on retrouve dans les livres de l'imam, par exemple le livre As-Sunnah de l'imam yani Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Abdullah le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, dans son livre As-Sunnah, il cite et il rapporte les paroles des grands imams d'Ahl-Sunnah qui ont dit que les Jahmiyyah sont des kuffars et qui ont dit toute personne qui dit que le Coran est créé est un kafir. Et ils l'ont dit explicitement, sans aucune hésitation. Donc c'est pour dire qu'ils n'ont pas excusé les gens qui ont dévié et qui se sont égarés au sujet de la croyance en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ses noms. Donc, si on voit que c'est comme ça la position des salafs au sujet des grandes bid'ahs et des grands égarements qui sont apparus, et au sujet des gens qui ont amené ces idées-là, alors on peut comprendre que l'idée des gens aujourd'hui qui disent on doit s'excuser dans nos divergences, qu'ils ont absolument tort. Et la raison souvent pour laquelle ils ramènent cette idée ou cette pensée-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas abandonner leurs innovations. Ils ne veulent pas abandonner leurs égarements. Ils ne veulent pas abandonner les points par lesquels ils ont contredit le Coran et la Sunna. Ils veulent rester accrochés à leur bid'a. Et à cause de ça, ils ont ramené cette idée de dire on va s'excuser les uns les autres, on va travailler ensemble sur ce qu'on est d'accord. Et certains sont allés parmi ces gens-là jusqu'à dire qu'on peut appliquer ça même avec les juifs et les chrétiens. Et tu les vois quand ils font des réunions et des discussions avec les juifs et les chrétiens, ils leur disent, hein, comme un à Montréal justement, il a organisé une rencontre avec les juifs et il leur a dit, il faut pas détruire les ponts, il faut créer des ponts entre nous. Et il a dit, nous et vous, en parlant des musulmans et des juifs, il a dit, on est d'accord sur 95% de la religion. Et on est en désaccord sur 5%. Donc, on laisse de côté le 5% sur lequel on est en désaccord, et puis on travaille sur le 95% sur lequel on est d'accord. Allahul Musta'an. Donc, la personne qui agit de cette manière-là avec la religion d'Allah, il joue avec la religion d'Allah. Parce que le 5% dont il parle, c'est un 5% qui concerne les fondements de l'islam. Puisque c'est la foi en le Coran que les juifs rejettent, c'est la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les juifs rejettent, c'est la foi en Isa alayhi salam que les juifs rejettent, c'est la foi en l'Injil que les juifs rejettent, et c'est la foi en l'islam en entier et en les messagers d'Allah. Donc si quelqu'un vient et il dit on est juste en désaccord sur 5%, avec les juifs, c'est parce qu'il ne comprend pas la religion d'Allah. Pour lui, de renier la foi en les messagers d'Allah, ou de renier la foi en les livres, c'est équivalent à faire un péché, ou par exemple, ne pas avoir de la bonté envers les voisins. Pour lui, avoir la bonté envers les voisins, puis yani, croire en les messagers d'Allah, pour lui c'est au même degré. Il y a une différence entre les deux. C'est vrai que d'être bon envers les voisins, c'est une des choses qui fait partie de l'islam et du bon comportement. Mais si quelqu'un a un bon comportement envers ses voisins, mais qui n'a pas cru en les messagers d'Allah ou en le livre d'Allah, eh bien on ne peut pas dire on va t'excuser parce que tu as été bon envers ton voisin. Hein? Donc ces gens-là, ils n'ont pas compris les bases de l'islam. Et on ne peut pas s'excuser entre nous sur des questions comme ça. Comme par exemple, les Rafida, Shia Rafida, qui insultent les Sahaba, qui insultent les mères des croyants. Est-ce que tu vas dire, oh, on va vous excuser? Hein, vous êtes des, vous priez, vous jeûnez, vous dites la ilaha illallah, on a des choses en commun, vous, hein, leurs femmes se voilent, des choses comme ça. Donc on va s'excuser, même si vous insultez Aïcha radiallahu anha, même si vous insultez, hein, dernièrement il y en a un justement, un de leurs chouurs qui a insulté la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Même si vous insultez par exemple d'autres parmi les sahaba, c'est pas grave, on va s'excuser là-dessus, on travaille ensemble sur les choses qu'on est d'accord. Hein, on est faible, on est dans un pays non musulman, on est sous la menace ou les critiques et les attaques des koufars, donc il faut s'unir entre nous, même avec ces gens-là. Eh bien non, ça c'est pas logique, puisque ces gens-là sont plus mécréants que les juifs et les chrétiens qui nous attaquent ou qui parlent contre notre religion dans les médias. Les Rafida sont plus mécréants qu'eux. Donc si tu dis on va s'unir avec eux contre les juifs et les chrétiens, c'est contradictoire. Hein? Mais voilà, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Hein? Mais la majorité des gens ne savent pas. Donc ça, c'est très important de comprendre que sur les questions des bases de l'islam et des fondements de l'aqida, c'est haram de se diviser. C'est haram de diverger. Et on n'a pas le droit d'avoir des divergences dans ces questions-là. Et on n'a pas le droit de s'excuser dans la divergence sur ces fondements-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran de diverger et de se diviser dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas comme les mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, des groupes, des partis, chacun d'entre eux, ces partis-là, hein, se réjouissant de ce qu'ils possèdent. Et il a mentionné également, hein, les ulama, ils mentionnent plein d'autres versets qui parlent de ça. « Wa'atassimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. » Accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc ça, c'est une interdiction. Ça veut dire que de se diviser, c'est haram. La même chose pour beaucoup d'autres versets comme ça qui viennent critiquer et blâmer les gens du livre qui sont venus avant nous, qui se sont divisés dans la religion et qui ont divergé. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Hein? Ne soyez pas comme ceux avant vous qui se sont divisés et qui ont divergé une fois que leur sont venues les preuves claires. Hein? Donc ça, c'est des avertissements pour nous que c'est interdit pour nous de faire ça. Donc si par la suite nous on dit bon, ça y est, il faut accepter la diversité religieuse, il faut accepter le pluralisme religieux et il faut accepter la diversité dans l'islam, il y a différents courants, différents partis et personne ne peut prétendre qu'il représente l'islam. Hein, il faut accepter tous les groupes, toutes les sectes. Personne ne peut dire qu'il est le détenteur de la vérité absolue. Hein, tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut avoir tort. Ça, c'est parce qu'ils veulent mélanger la vérité et le faux. Et ils veulent confondre les gens et les égarer et les dévier du droit chemin. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadhurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un groupe de la Umma qui va être sur la vérité, ceux qui les abandonnent et ceux qui les opposent ne pourront rien faire pour leur nuire jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah et ils seront toujours sur cet ordre. Et il a mentionné également, les ulama, ils mentionnent également les hadiths des 73 sectes hein, qui dit que les juifs et les chrétiens se sont divisés en 71 et en 72 sectes, et que cette umma va se diviser en 73 sectes, et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Et quand on lui a demandé c'est laquelle, il a dit c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc il n'y a pas plusieurs groupes musulmans qui sont sur la vérité. Il n'y en a qu'un seul. Et donc c'est la même chose pour les groupes actuels qui existent dans, sur le terrain de la da'wa soi-disant, parmi les groupes des Ikhwan, ou les groupes de Tablir, ou des Hizb al-Tahrir, ou Adl wal-Ihsan, ou bien d'autres jama'at qui sont répandus dans le monde musulman, que ce soit les groupes de Jihadi, ou de Takfir, ou d'autres tendances, ils sont tous sur des bid'ahs parmi les bid'ahs qui ont été rejetés par les salaf al-salih. Et donc aujourd'hui, si quelqu'un prétend appartenir à la sunna et qu'il suit ses jama'at et ses groupes, alors ça veut dire qu'il a opposé la vérité, il a opposé la voie des salaf al-salih. Et on ne peut pas tolérer ou accepter ce genre de divergence-là. Hein? Et souvent c'est ça que les kuffars utilisent comme shubuhat contre les musulmans. Ils disent « Ah mais yani, vous êtes divisés en groupes et en sectes. Donc comment on peut savoir lequel d'entre vous est vraiment en train d'appeler vraiment à l'islam ?» Eh bien, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est de voir ceux qui suivent son exemple et l'exemple de ses compagnons. Donc c'est sûr que si des gens sont en train de se moquer des compagnons, ou de les déclarer kuffars, ou de les rabaisser, ou de les diminuer, ou de penser qu'ils comprennent mieux l'islam qu'eux, c'est certain qu'ils ne peuvent pas être pris comme des modèles, ou de dire que c'est eux qui représentent l'islam, puisque pour eux, les sahaba ne sont pas des références. Donc, le cheikh il a parlé de ça, et il a cité par la suite les paroles de cheikh al-islam ibn Taymiyyah, pour expliquer donc les deux différences entre ikhtilaf al-tanawu' ou ikhtilaf al-tadad, et il donne comme référence à ce sujet le livre du cheikh ibn Taymiyyah qui s'appelle Iqtida al-sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jahim. C'est à la page 98, donc c'est un livre dans lequel Cheikh al-Islam il parle de cette question-là. Et c'est important de le connaître, de connaître cette distinction-là entre les différentes catégories de divergence. Maintenant, le point numéro 15, le Cheikh il dit « Al-Khamis Achar, min al-Khata, tasmiyatu da'wati salafiyya, da'watun wahhabiyya. » Donc le 15e point c'est quoi? C'est l'erreur d'appeler la da'wa salafiyya par le nom de al-wahhabiyya ou bien da'watun wahhabiyya. Souvent, les ennemis de la da'wa salafiyya, les ennemis de la sunna, ils catégorisent les gens en leur donnant des sobriquets et des noms pour faire fuir les gens ou faire peur aux gens par rapport à cette da'wa. Donc, ils vont utiliser des termes ou des noms pour faire croire aux gens que ce qu'on suit, c'est autre que la vérité. Ou que c'est un groupe ou une secte inventée par un homme. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et parmi les exemples, c'est le terme qu'ils utilisent, wahhabi. Ou bien des fois, ils vont dire wahhabite. Hein? Et le cheikh, il mentionne des paroles des ulama justement à ce sujet-là. Le cheikh dit « فالشيخ محمد ابن عبد الوهاب لم يأتي بدين جديد ولا مذهب جديد بل هو مجدد لمذهب السلف. » Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est un alim parmi les ulama. Il n'a rien ramené de nouveau. Il n'a pas ramené une voie nouvelle. Hein? Et souvent vous allez voir dans les médias, même les kuffars quand ils parlent de l'islam et de la salafia et de l'Arabie Saoudite, ils disent c'est la voie des wahhabites, la secte wahhabite. Hein? Il la qualifie en disant que c'est une voie, une secte ou une tendance qui est très rigoriste, hein, et très rigide, hein, ainsi de suite. Donc le cheikh dit ce n'est pas une voie nouvelle, ce n'est pas un nouveau madhab, ce n'est pas une nouvelle secte ou des choses de ce genre. C'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'était uniquement un savant qui est venu régénérer cette religion et ramener les gens à la voie des salaf al-salih.

sérieuses. Non, il faut comprendre que c'est leur bid'a qui les font voir la vérité comme étant fausse et qui leur font voir la fausseté comme étant quelque chose de vrai. Donc, le cheikh, il dit qu'on ne doit pas s'accrocher fanatiquement à quiconque, excepté pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le manhaj. C'est ça le manhaj salafi. Le manhaj salafi, c'est de dire, comme disait l'imam Malik, qu'on prend de toute personne comme on peut en rejeter. On peut prendre de toute personne comme on peut en rejeter, excepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque lui, il parle selon la révélation d'Allah. Donc, ça, ça fait partie des fondements de ce manhaj. Qu'on prend la science des ulama, hein, mais en même temps, on ne les prend pas comme étant des hommes infaillibles. Et dans le chapitre 4 de ce livre, il y a des clarifications plus détaillées à ce sujet-là par rapport à notre attitude envers les ulama. Ensuite, le point numéro 16, le cheikh il dit As-sadis ashar, al-jama'atu allati ja'at في الأحاديث كوصف للفرقة الناجية المقصود بها الحق ولو كان أهله قليل. Le cheikh il dit que le groupe qui est mentionné dans les hadiths, dans la description du groupe victorieux ou du groupe sauvé, qu'est-ce qu'on veut dire par ce groupe-là? On veut dire que c'est la vérité elle-même, en fait. C'est-à-dire que c'est ceux qui s'accrochent à la vérité. Ce groupe-là, le groupe d'Ahl Sunnah, le groupe sauvé, c'est le groupe d'entre les musulmans qui s'accroche à la vérité. Même si ceux qui composent ces gens-là sont peu nombreux. Donc on ne va pas regarder le nombre pour considérer que ces gens-là sont sur la vérité ou non. Parce que beaucoup de gens se sont laissés tromper par le nombre. Et ils se sont imaginés que quand ils sont nombreux, ça veut dire qu'ils sont sur la vérité. Et bien entendu, ce n'est pas la référence à prendre en considération. Le cheikh il dit وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ الْكَثْرَةِ قَالَ تَعَالَى وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. وعن ابن مسعود أنه قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. Donc, le cheikh il mentionne différents versets, comme le verset 103 dans Surat Yunus, dans Surat Yusuf. Le verset 103 dans Surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et la plupart des hommes ne seront pas croyants, même si tu le désires ardemment. Et ça, c'est pour prouver que l'objectif ou le but ou la chose qu'on doit prendre en considération, c'est pas uniquement le nombre ou la quantité. Et ensuite, il mentionne le verset 106 dans la même sourate, sourate Yusuf. Il dit "Wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun." Que la plupart des gens, ils ne sont pas croyants, la plupart des gens, ils croient en Allah ou ils prétendent croire en Allah, tandis qu'ils sont des mushrikun. Et les ulama des salaf, les sahaba, quand ils ont expliqué ce verset-là, ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils croient en tawhid al-rububiyya, mais ils se sont égarés dans tawhid al-ibada et dans tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire, dans tawhid al-rububiyya, ils ont dit correct. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Mais quand tu leur demandes pourquoi vous adorez les idoles, ils s'égarent. Ils adorent d'autres avec Allah. Donc, ils croient en Allah, mais ils font le shirk en même temps. Le verset 106 dans Surat Yusuf. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Donc tu peux être quelqu'un qui croit en Allah, tu crois que Allah existe, sans que tu sois un musulman nécessairement. C'est-à-dire peut-être que tu crois en Dieu, tu crois que Dieu existe, mais en même temps tu associes d'autres avec Allah, donc tu es un mushrik. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. C'est-à-dire, dans le verset 13, dans Surat Saba, « Et peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. » Naam, on peut dire, quand on commet un péché, on peut dire que c'est un manque de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la reconnaissance envers Allah, c'est pas seulement la reconnaissance verbale. C'est pas seulement de dire avec la bouche « Alhamdulillah » ou bien de remercier Allah verbalement. Mais la reconnaissance, ça implique et ça inclut également les actions que tu fais. Donc quand tu adores Allah, tu es reconnaissant envers Allah. Et on a l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds craquent, jusqu'à ce que ses pieds craquent, et Aïcha radiallahu anha lui demande, ô messager d'Allah, tes péchés passés et futurs sont pardonnés. Alors pourquoi, tu fais des efforts comme ça pour prier la nuit alors que t'es pardonné? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, n'est-ce pas que je devrais être un serviteur reconnaissant? Afala akunu abdan shakura. Donc, c'est-à-dire être un serviteur reconnaissant, c'est pas juste en faisant les paroles, mais c'est en faisant les actes d'adoration et en s'écartant des péchés également. Ok? Wallahu a'lam. Parce que en réalité, le mot abd dans l'arabe, ça veut dire esclave, ça veut dire serviteur aussi. Donc, on peut s'identifier, si on traduit en français, par le terme serviteur et esclave. Et c'est un honneur. C'est un honneur d'être un esclave d'Allah. Parce que c'est le terme par lequel il a décrit les plus importantes et les plus grandes d'entre les messagers et les hommes pieux. Donc, il les a catégorisés, comme il les a appelés, par le terme abd. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans les situations les plus importantes, il le qualifie de serviteur. Comme par exemple, Alhamdulillah alladhi asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi, c'est-à-dire, il a fait élever son serviteur lors de la nuit de l'ascension. Lors du voyage nocturne, al-Isra c'est le voyage nocturne, puis al-Mi'raj c'est l'ascension au dernier des cieux. Donc, il l'a appelé Abd. Et il y a d'autres versets aussi qui sont mentionnés. Et le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a écrit un livre à ce sujet-là qui s'appelle Al-Ubudiyya. Al-Ubudiyya. Et dans ce livre-là, justement, il parle de ça et il clarifie cette signification-là, mashallah. Et ensuite, le Cheikh, il mentionne comme dernier point par rapport à ça, عن ابن مسعود أنه قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. Donc la jama'a, quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au fait que la umma se divise en 73 sectes, il a répondu qu'il a dit que elle serait toute en enfer excepté une. Quand on lui a demandé laquelle au messager d'Allah, il a dit hi al jama'a, il a dit ce groupe qui va au paradis, tandis que les autres qui vont en enfer, c'est la jama'a. C'est la jama'a qui va au paradis. Donc, le cheikh, il explique que la jama'a dont il est question, c'est d'être sur la vérité. Et il dit que d'être sur la vérité, c'est ça d'être sur la jama'a en réalité. Et même si tu es tout seul, c'est que tu sois en accord avec la vérité, même si tu es tout seul. Donc, c'est pas important le nombre. L'important, c'est que tu sois sur le haqq. Parce que des fois, tu vas être dans certaines circonstances, ou dans certaines époques, ou dans certains endroits, dans le monde, où la vérité, les gens qui défendent la vérité sont peu nombreux. Et les gens qui aiment la vérité sont peu nombreux. Donc, la vérité n'est pas défendue et secourue. Et donc, dans des circonstances comme ça, tu vas trouver que la majorité des gens suivent la fausseté, et aiment la fausseté. Et toi, tu vas te lever pour dire aux gens qu'est-ce qui est vrai, et tu vas être tout seul. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il n'y a personne d'autre qui va se tenir avec toi pour te défendre dans cette vérité-là. Mais il faut quand même s'accrocher à cette vérité. Et c'est pour ça que on voit qu'il y a des imams de l'islam qui ont tenu ferme sur la sunna dans les périodes où la sunna était faible. Ils se sont restés fermes, ils sont restés accrochés à la vérité. Comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, lors de la fitna, il est resté ferme. Il a tenu ferme sur la sunna et à cause de ça, on l'a appelé imam ou ahl sunna. Imam ou ahl sunna à cause de ça, parce que à son époque, il était le seul qui a tenu tête aux gens de bid'a pendant la fitna. Donc ça, c'est un exemple qu'on ne doit pas regarder le nombre. Parce que si tu allais te baser sur le nombre à l'époque, si tu allais te baser juste sur le nombre, tu allais dire, bon, tout le monde dit, qu'est-ce que les gens de Bid'a disent, tout le monde l'a accepté, donc il faut suivre le lot. Et actuellement, maintenant, en particulier actuellement, on remarque que même de la part des koufars, par exemple, il y a une sorte de pression. De la part des gouvernements des koufars, de la part des médias, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il y a des pressions pour imposer aux musulmans des idées qui sont en opposition avec le Coran et en opposition avec la Sunna. Et pour faire en sorte que les musulmans se désavouent des principes qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Donc, pour la majorité des gens qui suivent qu'est-ce qui est dans les médias, qui écoutent des émissions religieuses ou des émissions sur l'islam, et qui écoutent des gens qui disent des choses contraires à la vérité, ils commencent à accepter ces idées-là comme étant correctes. Parce qu'ils n'ont pas entendu, ils ne laissent pas, on entend souvent des gens qui vont parler dans les médias ou dans la télé, qui vont dire le contraire de la vérité. Wa alaykoum salam, toi. Mais les ulama qui défendent le Coran et qui défendent la Sunna et qui suivent la voie des salafs et qui défendent la compréhension des salafs sont très peu nombreux. Et on les entend très rarement parler et clarifier la vérité dans les endroits où il y a des grandes assemblées de musulmans. Souvent, ceux qu'on laisse parler, c'est des gens qui contredisent la Sunna. Donc, dans des situations comme ça, il faut revenir aux ulama. Et aux ulama qui clarifient qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et qui expliquent la vérité. Et même si on est peu nombreux, c'est pas ça la référence. La référence, c'est d'avoir une preuve. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, donc, pour terminer, pour conclure avec ça, on dira donc qu'on voit qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des idées qui sont propagées dans la communauté de la part de certains individus qui sont présentés comme étant des porte-parole des musulmans parfois dans les médias, et ils vont contredire le Coran et la Sunna sans aucune gêne et sans aucune honte, et parler au nom d'Allah et de son messager pour dire le contraire de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça, il n'y a pas de doute que c'est une caractéristique des munafiqines, et que ça fait partie en réalité de cacher la vérité et de mentir à propos d'Allah et de son messager. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit par l'islam, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les gens qui vont défendre la vérité du Coran et de la Sunna vont être présentés dans les médias ou par certains journalistes comme étant des gens qui sont rétrogrades ou qui contredisent, ou comme des extrémistes ou des gens pour les stigmatiser, pour faire montrer aux gens que ce qu'ils font c'est en dehors de la marge. Et parfois ils vont donner la parole à certains individus dans la communauté qui n'ont aucune science de l'islam, aucune connaissance de la charia, pour qu'ils donnent leurs opinions et leurs points de vue sur ces individus là qu'est-ce que vous pensez d'un tel? Qu'est-ce que vous pensez d'un tel? Et là, ils vont dire, oh, lui, bon, il représente pas, il représente pas, il représente pas. Il regarde pas, est-ce que cette personne-là, il parle au nom du Coran et de la Sunna, est-ce qu'il dit la vérité ou non? Il regarde juste selon, comme on dit, l'opinion publique. Qu'est-ce que l'opinion publique va penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que les gens vont aimer ça ou non? Ils vont pas regarder, est-ce que c'est vrai ou non? Ils regardent pas ça. Ils regardent, est-ce que les gens vont aimer entendre ça ou non? Est-ce que ça va faire plaisir aux gens ou non? Et donc ça, c'est pas l'attitude correcte à adopter. On va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera, Inch'Allah, bi'ithnillah, dimanche prochain, la suite de ce cours. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.